La Dame de Pique de Alexandre Pouchkine, traduit du russe par Prosper Mérimée, 1834. Chapitre 1. On jouait chez Narumov, lieutenant aux gardes à cheval. Une longue nuit d'hiver s'était écoulée sans que personne s'en aperçût. Et il était 5 heures du matin quand on servit le souper. Les gagnants se mirent à table avec grand appétit. Pour les autres, ils regardaient leurs assiettes vides. Peu à peu néanmoins, le vin de champagne aidant, la conversation s'anima et devint générale. « Qu'as-tu fait aujourd'hui, Sourine ?» demanda le maître de la maison à un de ses camarades. Comme toujours, j'ai perdu. En vérité, je n'ai pas de chance. Je joue la Mirandole. Vous savez si j'ai du sang-froid. Je suis un pont impassible. Jamais je ne change mon jeu et je perds toujours. Comment ? Dans toute ta soirée, tu n'as pas essayé une fois de mettre sur le rouge ? En vérité, ta fermeté me passe. Comment trouvez-vous, Hermann ? Dit un des convives en montrant un jeune officier du génie. De sa vie, ce garçon-là n'a fait un paroli. Ni toucher une carte, et il nous regarde jouer jusqu'à 5 heures du matin. Le jeu m'intéresse, dit Hermann, mais je ne suis pas d'humeur à risquer le nécessaire pour gagner le superflu. Hermann est allemand, il est économe, voilà tout, s'écria Tomski. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est ma grand-mère, la comtesse Anna Fedotovna. Pourquoi cela ? Lui demandèrent ses amis. N'avez-vous pas remarqué, reprit Tomski, qu'elle ne joue jamais ? En effet, dit Narumov, une femme de 80 ans qui ne ponte pas, cela est extraordinaire. Vous ne savez pas le pourquoi ? Non ? Est-ce qu'il y a une raison ? Oh bien, écoutez, vous saurez que ma grand-mère, il y a quelque 60 ans, alla à Paris et y fit fureur. On courait après elle pour voir la Vénus moscovite. Richelieu lui fit la cour, et ma grand-mère prétend qu'il s'en fallut peu qu'elle ne l'obligeât par ses rigueurs à se brûler la cervelle. Dans ce temps-là, les femmes jouaient au pharaon. Un soir, au jeu de la cour, elle perdit sur parole, contre le duc d'Orléans, une somme très considérable. Rentrée chez elle, ma grand-mère ôta ses mouches, défit ses paniers, et dans ce costume tragique, alla conter sa mésaventure à mon grand-père en lui demandant de l'argent pour s'acquitter. Feu, mon grand-père était une espèce d'intendant pour sa femme. Il la craignait comme le feu. Mais le chiffre qu'on lui avoua le fit sauter au plancher. Il s'emporta, se mit à faire ses comptes, et prouva à ma grand-mère qu'en 6 mois, elle avait dépensé 500 000. Il lui dit nettement qu'il n'avait pas à Paris ces villages des gouvernements de Moscou et de Saratev, et conclut en refusant les subsides demandés. Vous imaginez bien la fureur de ma grand-mère. Elle lui donna un soufflet et fit lire à part cette nuit-là en témoignage de son indignation. Le lendemain, elle revint à la charge. Pour la première fois de sa vie, elle voulut bien condescendre à des raisonnements et des explications. C'est en vain qu'elle s'efforça de démontrer à son mari qu'il y a dette et dette, et qu'il n'y a pas d'apparence d'en user avec un prince comme avec un carrossier. Toute cette éloquence fut en pure perte. Mon grand-père était inflexible. Ma grand-mère ne savait que devenir. Heureusement, elle connaissait un homme fort célèbre à cette époque. Vous avez entendu parler du comte de Saint-Germain, dont on débite tant de merveilles. Vous savez qu'il se donnait pour une manière de juif errant, possesseur de l'élixir de vie et de la pierre philosophale. Quelques-uns se moquaient de lui comme d'un charlatan. Casanova, dans ses mémoires, dit qu'il était espion. Quoi qu'il en soit, malgré le mystère de sa vie, Saint-Germain était recherché par la bonne compagnie et était vraiment un homme aimable. Encore aujourd'hui, ma grand-mère a conservé pour lui une affection très vive. Elle se fâche tout rouge quand on n'en parle pas avec respect. Elle pensa qu'il pourrait lui avancer la somme dont elle avait besoin. Elle lui écrivit un billet pour le prier de passer chez elle. Le vieux thaumaturge accourut aussitôt et la trouva plongée dans le désespoir. En 2 mots, elle le mit au fait, lui raconta son malheur et la cruauté de son mari, ajoutant qu'elle n'avait plus d'espoir que dans son amitié et son obligeance. Saint-Germain, après quelques instants de réflexion, « Madame, dit-il, je pourrais facilement vous avancer l'argent qu'il vous faut, mais je sais que vous n'auriez de repos qu'après me l'avoir remboursé, et je ne veux pas que vous sortiez d'un embarras pour vous jeter dans un autre. Il y a un moyen de vous acquitter. Il faut que vous regagniez cet argent. » « Mais, mon cher comte, répondit ma grand-mère, je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus une pistole. »« Vous n'en avez pas besoin, reprit Saint-Germain, écoutez-moi seulement. » Alors il lui apprit un secret que chacun de vous, j'en suis sûr, payerait fort cher. Tous les jeunes officiers étaient attentifs. Tomski s'arrêta pour allumer une pipe, avala une bouffée de tabac et continua de la sorte. Le soir même, ma grand-mère alla à Versailles, au jeu de la reine. Le duc d'Orléans tenait la banque. Ma grand-mère lui débita une petite histoire pour s'excuser de n'avoir pas encore acquitté sa dette. Puis elle s'assit et se mit à ponter. Elle prit 3 cartes. La première gagna. Elle doubla son enjeu sur la seconde, gagna encore. Doubla sur la troisième. Bref, elle s'acquitta glorieusement. « Pur hasard !» dit un des jeunes officiers. « Quel compte !» s'écria Hermann. « C'était donc des cartes préparées ? » dit un troisième. « Je ne le crois pas, » répondit gravement Tomski. « Comment ? » s'écria Narumov. « Tu as une grand-mère qui sait 3 cartes gagnantes et tu n'as pas encore su te les faire indiquer ?»« Ah, c'est là le diable, » reprit Tomski. « Elle avait 4 fils, dont mon père était un. 3 furent des joueurs déterminés, et pas un seul n'a pu lui tirer son secret, qui pourtant leur aurait fait grand bien, et à moi aussi. Mais écoutez ce que m'a raconté mon oncle, le comte Ivan Ilitch, et j'ai sa parole d'honneur. Tchaplitsky, vous savez, celui qui est mort dans la misère après avoir mangé des millions, un jour dans sa jeunesse, perdit contre Zoritch environ 300 000 roubles. Il était au désespoir. Ma grand-mère, qui n'était guère indulgente pour les freden des jeunes gens, je ne sais pourquoi, faisait exception à ses habitudes en faveur de Tchaplitsky. Elle lui donna 3 cartes à jouer, l'une après l'autre, en exigeant sa parole de ne plus jouer ensuite de sa vie. Aussitôt Tchaplitsky alla trouver Zoritch et lui demanda sa revanche. Sur la première carte, il mit 50 000 roubles. Il gagna, fit parolie. En fin de compte, avec ses 3 cartes, il s'acquitta et se trouva même en gain. Mais voilà 6 heures, ma foi, il est temps d'aller se coucher. Chacun vida son verre et l'on se sépara. Chapitre 2. La vieille comtesse Anna Fedotovna était dans son cabinet de toilette, assise devant une glace. 3 femmes de chambre l'entouraient. L'une lui présentait un pot de rouge, une autre une boîte d'épingles noires. Une troisième tenait un énorme bonnet de dentelle avec des rubans couleur de feu. La comtesse n'avait plus la moindre prétention à la beauté, mais elle conservait les habitudes de sa jeunesse, s'habillait à la mode d'il y a 50 ans et mettait à sa toilette tout le temps et toute la pompe d'une petite maîtresse du siècle passé. Sa demoiselle de compagnie travaillait à un métier dans l'embrasure de la fenêtre. « Bonjour, grand-maman, » dit un jeune officier en entrant dans le cabinet. « Bonjour, mademoiselle Lise. Grand-maman, c'est une requête que je viens vous porter. »« Qu'est-ce que c'est, Paul ? » ?»« Permettez-moi de vous présenter un de mes amis et de vous demander pour lui une invitation à votre bal. »« Amène-le à mon bal et tu me le présenteras, là. »« As-tu été, hier, chez la princesse ?»« Assurément, c'était délicieux. On a dansé jusqu'à 5 heures. Mademoiselle Eletsky était à ravir. » « Ma foi, mon cher, tu n'es pas difficile. En fait de beauté, c'est sa grand-mère, la princesse Daria Petrovna, qu'il fallait voir. »« Mais dis donc, elle doit être bien vieille, la princesse Daria Petrovna. »« Comment vieille ?» s'écria étourdiment Tomski. « Il y a 7 ans qu'elle est morte. » La demoiselle de compagnie leva la tête et fit un signe au jeune officier. Il se rappela aussitôt que la consigne était de cacher à la comtesse la mort de ses contemporains. Il se mordit la langue. Mais d'ailleurs la comtesse garda le plus beau sang-froid en apprenant que sa vieille amie n'était plus de ce monde. « Morte ? » dit-elle. « Tiens, je ne le savais pas. Nous avons été nommées ensemble demoiselles d'honneur. Et quand nous fûmes présentées, l'impératrice... » La vieille comtesse raconta, pour la centième fois, une anecdote de ses jeunes années. « Paul, dit-elle en finissant, aide-moi à me lever. Lisanka, où est ma tabatière ?» Et suivie de ses trois femmes de chambre, elle passa derrière un grand paravent pour achever sa toilette. Tomski demeurait en tête-à-tête avec la demoiselle de compagnie. « Quel est ce monsieur que vous voulez présenter à madame ?» demanda à voix basse Lisabetta Ivanovna. « Narumov, vous le connaissez ?»« Non. Est-il militaire ?»« Oui. Dans le génie ?»« Non, dans les chevaliers gardes. Pourquoi donc croyez-vous qu'il était dans le génie ?» La demoiselle de compagnie sourit, mais ne répondit pas. « Paul !» cria la comtesse de derrière son paravent. « Envoie-moi un roman nouveau, n'importe quoi. Seulement vois-tu, pas dans le goût d'aujourd'hui. » « Comment vous le faut-il, grand-maman ?»« Un roman où le héros n'étrangle ni père ni mère, et où il n'y ait pas de noyé. Rien ne me fait plus de peur que les noyés. »« Où trouvez à présent un roman de cette espèce ? En voudriez-vous un russe ?»« Bah, est-ce qu'il y a des romans russes ? Tu m'en enverras un, n'est-ce pas ? Tu ne l'oublieras pas ?»« Je n'y manquerai pas. Adieu, grand-maman. Je suis bien pressée. Adieu, Lisabetta Ivanovna. » Pourquoi donc vouliez-vous que Narumov fût dans le génie ? Et Tomski sortit du cabinet de toilette. Lisabetta Ivanovna, restée seule, reprit sa tapisserie et s'assit dans l'embrasure de la fenêtre. Aussitôt, dans la rue, à l'angle d'une maison voisine, parut un jeune officier. Sa présence fit aussitôt rougir jusqu'aux oreilles la demoiselle de compagnie. Elle baissa la tête et la cacha presque sous son canevas. En ce moment, la comtesse rentra, complètement habillée. « Lisanka, dit-elle, fais atteler. Nous allons faire un tour de promenade. » Lisabetta se leva aussitôt et se mit à ranger sa tapisserie. « Eh bien, qu'est-ce que c'est, petite, es-tu sourde ? Va dire qu'on attelle tout de suite. »« J'y vais, » répondit la demoiselle de compagnie. Elle courut dans l'antichambre. Un domestique entra, apportant des livres de la part du prince Paul Alexandrovitch. « Bien des remerciements. Lisanka, Lisanka, où court-elle comme cela ? J'allais m'habiller, madame. Mais nous avons le temps, petite. Assieds-toi, prends le premier volume et lis-moi. » La demoiselle de compagnie prit le livre et lut quelques lignes. « Plus haut, dit la comtesse. Mais qu'as-tu donc ? Est-ce que tu es enrouée ? Attends, approche-moi ce tabouret. Plus près. Bon. » Lisabetta Ivanovna lut encore deux pages. La comtesse bâilla. « Jette cet ennuyeux livre, dit-elle. Quel fatras ! Renvoie cela au prince Paul et fais-lui bien mes remerciements. Et cette voiture, est-ce qu'elle ne viendra pas ?»« La voici, répondit Elisabetta Ivanovna en regardant par la fenêtre. « Eh bien, tu n'es pas habillée ? Il faut donc toujours t'attendre, c'est insupportable. » Elisabetta courut à sa chambre. Elle y était depuis 2 minutes à peine que la comtesse sonnait de toute sa force. Ses trois femmes de chambre entraient par une porte et le valet de chambre par une autre. « On ne m'entend donc pas, à ce qu'il paraît ?» s'écria la comtesse. « Qu'on aille dire à Lisabetta Ivanovna que je l'attends. » Elle entrait en ce moment avec une robe de promenade et un chapeau. « Enfin, mademoiselle, dit la comtesse. Mais quelle toilette est-ce là ? Pourquoi cela ? À qui en veux-tu ? Voyons, quel temps fait-il ? Il fait du vent, je crois. » « Non, Excellence, dit le valet de chambre. Au contraire, il fait bien doux. Vous ne savez jamais ce que vous dites. Ouvrez-moi le vasistas. Je le disais bien, un vent affreux, un froid glacial. Condait-elle. Lisanka, ma petite, nous ne sortirons pas. Ce n'était pas la peine de te faire si belle. » « Quelle existence !» se dit tout bas la demoiselle de compagnie. En effet, Lisabetta Ivanovna était une bien malheureuse créature. « Il est amer, le pain de l'étranger, » dit Dante. « Elle est haute à franchir la pierre de son seuil. » Mais qui pourrait dire les ennuis d'une pauvre demoiselle de compagnie auprès d'une vieille femme de qualité ? Pourtant, la comtesse n'était pas méchante, mais elle avait tous les caprices d'une femme gâtée par le monde. Elle était avare, personnelle, égoïste, comme celle qui, depuis longtemps, avait cessé de jouer un rôle actif dans la société. Jamais elle ne manquait au bal. Et là, fardée, vêtue à la mode antique, elle se tenait dans un coin et semblait placée exprès pour servir d'épouvantail. Chacun, en entrant, allait lui faire un profond salut. Mais la cérémonie terminée, personne ne lui adressait plus la parole. Elle recevait chez elle toute la ville, observant l'étiquette dans sa rigueur et ne pouvant mettre les noms sur les figures. Ses nombreux domestiques, engraissés et blanchis dans son antichambre, ne faisaient que ce qu'ils voulaient. Et cependant, tout chez elle était au pillage, comme si déjà la mort fût entrée dans sa maison. Lisabetta Ivanovna passait sa vie dans un supplice continuel. Elle servait le thé et on lui reprochait le sucre gaspillé. Elle lisait des romans à la comtesse, qui la rendait responsable de toutes les sottises des auteurs. Elle accompagnait la noble dame dans ses promenades, et c'était à elle qu'on s'en prenait du mauvais pavé et du mauvais temps. Ses appointements, plus que modestes, n'étaient jamais régulièrement payés, et l'on exigeait qu'elle s'habillât comme tout le monde, c'est-à-dire comme fort peu de gens. Dans la société, son rôle était aussi triste. Tous la connaissaient, personne ne la distinguait. Au bal, elle dansait, mais seulement lorsqu'on avait besoin d'un vis-à-vis. Les femmes venaient la prendre par la main et l'emmenaient hors du salon quand il fallait arranger quelque chose à leur toilette. Elle avait de l'amour-propre et sentait profondément la misère de sa position. Elle attendait avec impatience un libérateur pour briser ses chaînes, mais les jeunes gens, prudents au milieu de leur étourderie affectée, se gardaient bien de l'honorer de leurs attentions. Et cependant, Lisabetta Ivanovna était 100 fois plus jolie que ces demoiselles, ou effrontées, ou stupides, qu'ils entouraient de leurs hommages. Plus d'une fois, quittant le luxe et l'ennui du salon, elle allait s'enfermer seule dans sa petite chambre meublée d'un vieux paravent, d'un tapis rapiécé, d'une commode, d'un petit miroir et d'un lit en bois peint. Là, elle pleurait tout à son aise, à la lueur d'une chandelle de suif dans un chandelier en laiton. Une fois, c'était 2 jours après la soirée chez Narumov et 1 semaine avant la scène que nous venons d'esquisser, un matin, Lisabetta était assise à son métier devant la fenêtre qu'en promenant un regard distrait dans la rue, elle aperçut un officier du génie, immobile, les yeux fixés sur elle. Elle baissa la tête et se mit à son travail avec un redoublement d'application. Au bout de 5 minutes, elle regarda machinalement dans la rue. L'officier était à la même place. N'ayant pas l'habitude de coqueter avec les jeunes gens qui passaient sous ses fenêtres, elle demeura les yeux fixés sur son métier pendant près de 2 heures, jusqu'à ce que l'on vint l'avertir pour dîner. Alors il fallut se lever et ranger ses affaires. Et pendant ce mouvement, elle revit l'officier à la même place. Cela lui sembla fort étrange. Après le dîner, elle s'approcha de la fenêtre avec une certaine émotion, mais l'officier du génie n'était plus dans la rue. Elle cessa d'y penser. 2 jours après, sur le point de monter en voiture avec la comtesse, elle le revit planté, droit devant la porte, la figure à demi cachée par un collet de fourrure, mais ses yeux noirs étincelaient sous son chapeau. Lisabetta eut peur, sans trop savoir pourquoi, et s'assit en tremblant dans la voiture. De retour à la maison, elle courut à la fenêtre avec un battement de cœur. L'officier était à sa place habituelle, fixant sur elle un regard ardent. Aussitôt elle se retira, mais brûlante de curiosité et en proie à un sentiment étrange qu'elle éprouvait pour la première fois. Depuis lors, il ne se passa pas de jour que le jeune ingénieur ne vint rôder sous sa fenêtre. Bientôt, entre elle et lui, s'établit une connaissance muette. Assise à son métier, elle avait le sentiment de sa présence. Elle relevait la tête et chaque jour le regardait plus longtemps. Le jeune homme semblait plein de reconnaissance pour cette innocente faveur. Elle voyait, avec ce regard profond et rapide de la jeunesse, qu'une vive rougeur couvrait les joues pâles de l'officier chaque fois que leurs yeux se rencontraient. Au bout d'une semaine, elle se prit à lui sourire. Lorsque Tomski demanda à sa grand-mère la permission de lui présenter un de ses amis, le cœur de la pauvre fille battit bien fort. Et lorsqu'elle sut que Narumov était dans les gardes à cheval, elle se repentit cruellement d'avoir compromis son secret en le livrant à un étourdi. Hermann était le fils d'un Allemand établi en Russie, qui lui avait laissé un petit capital. fermement résolu à conserver son indépendance, il s'était fait une loi de ne pas toucher à ses revenus, vivait de sa solde et ne se passait pas la moindre fantaisie. Il était peu communicatif, ambitieux, et sa réserve fournissait rarement à ses camarades l'occasion de s'amuser de ses dépens. Sous un calme d'emprunt, il cachait des passions violentes, une imagination désordonnée, mais il était toujours maître de lui et avait su se préserver des égarements ordinaires de la jeunesse. Ainsi, né joueur, jamais il n'avait touché une carte, parce qu'il comprenait que sa position ne lui permettait pas, il le disait lui-même, de sacrifier le nécessaire dans l'espérance d'acquérir le superflu. Et cependant, il passait des nuits entières devant un tapis vert, suivant avec une anxiété fébrile les chances rapides du jeu. L'anecdote des trois cartes du comte de Saint-Germain avait fortement frappé son imagination, et toute la nuit il ne fit qu'y penser. Si pourtant, se disait-il le lendemain soir en se promenant dans les rues de Pétersbourg, si la vieille comtesse me confiait son secret, si elle voulait seulement me dire trois cartes gagnantes, il faut que je me fasse présenter, que je gagne sa confiance, que je lui fasse la cour. Oui, elle a 87 ans, elle peut mourir cette semaine, demain peut-être, derrière cette histoire. Y a-t-il un mot de vrai là-dedans? Non. L'économie, la tempérance, le travail, voilà mes trois cartes gagnantes. C'est avec elles que je doublerai, que je décuplerai mon capital. Ce sont elles qui m'assureront l'indépendance et le bien-être. Rêvant de la sorte, il se trouva dans une des grandes rues de Pétersbourg, devant une maison d'assez vieille architecture. La rue était encombrée de voitures, défilant une à une devant une façade splendidement illuminée. Il voyait sortir de chaque portière ouverte tantôt le petit pied d'une jeune femme, tantôt la botte à l'écuyère d'un général. Cette fois un bas à jour, cette autre un soulier diplomatique. Pelisses et manteaux passaient en procession devant un Suisse gigantesque. Hermann s'arrêta. « À qui est cette maison ? » demanda-t-il à un garde de nuit, Boudouchnik, rancogné dans sa guérite. « À la comtesse... » C'était la grand-mère de Tomski. Hermann tressaillit. L'histoire des trois cartes se représenta à son imagination. Il se mit à tourner autour de la maison, pensant à la femme qui l'occupait, à sa richesse, à son pouvoir mystérieux. De retour enfin dans son taudis, il fut longtemps avant de s'endormir. Et lorsque le sommeil s'empara de ses sens, il vit danser devant ses yeux des cartes, un tapis vert, des tas de ducats et de billets de banque. Il se voyait faisant paroli sur paroli, gagnant toujours, empochant des piles de ducats et bourrant son portefeuille de billets. À son réveil, il soupira de ne plus trouver ses trésors fantastiques. Et pour se distraire, il alla de nouveau se promener par la ville. Bientôt, il fut en face de la maison de la comtesse. Une force invincible l'entraînait. Il s'arrêta et regarda aux fenêtres. Derrière une vitre, il aperçut une jeune tête avec de beaux cheveux noirs, penché gracieusement sur un livre sans doute ou sur un métier. La tête se releva. Il vit un frais visage et des yeux noirs. Cet instant-là décida de son sort.